إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فقد درسنا في الخطب الماضية حديث ابن مسعود في الفتن Ô serviteurs d'Allah, durant les sermons précédents, nous avons étudié, nous avons entendu le hadith d'Ibn Mas'ud concernant les troubles qui touchent la communauté musulmane. وَرَأَيْنَا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الْفِتَنِ كَثْرَةَ الْقُرَّاءِ وَقِلَّةَ الْعُلَمَاءِ Nous avons vu que parmi les causes qui entraînent ces troubles dans la communauté musulmane, il y a le grand nombre de récitateurs et le petit nombre de savants, comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْفِتَنِ كَثْرَةُ الْأَمْوَالِ وَقِلَّةُ الْأُمَنَاءِ Et aussi parmi les causes des troubles, il y a le grand nombre, l'augmentation des biens, l'augmentation de l'argent et le petit nombre des personnes qui sont fiables, des personnes de confiance. ورأينا كذلك من أسباب الفتن طلب الدنيا بعمل الآخرة. Nous avons vu aussi parmi les causes des troubles dans la communauté musulmane le fait de rechercher des délices de ce bas monde en accomplissant des œuvres de l'au-delà. أيها الناس هذه الأسباب كلها يجمعها الجهل. Ô chers frères et sœurs, toutes ces causes que nous avons vues sont toutes réunies dans l'ignorance. فَإِنَّ السَّبَبَ الْأَوَّلِ C'est la première cause. كَثْرَةُ الْقُرَّاءِ وَقِلَّةَ الْعُلَمَاءِ وَاضِحٌ La première cause, le fait qu'il y ait beaucoup de récitateurs et peu de savants, cette cause est claire. Peu de savants, peu de personnes qui connaissent, qui ont la science concernant le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma sababu thani kathratul amwal wa qillatul umana. La deuxième cause, le fait qu'il y ait beaucoup d'argent et peu de personnes fiables, de confiance. Fa haula law alimu ma tarattaba ala af'alihim ma irtakabuha. Et donc ces gens-là, s'ils savaient les conséquences de leurs actes, le fait qu'ils ne respectent pas les dépôts, el amana, ils ne seraient pas tombés dans ce péché. Et aussi le fait de rechercher des délices de ce bas monde en accomplissant des actes de l'au-delà. Aussi cela est lié à l'ignorance, car celui qui fait cela, s'il connaissait les conséquences de son acte, et s'il connaissait réellement le danger qu'il encourt en faisant cela, qui est le feu, il ne serait pas tombé dans cela. Ibadullah, al-jahlu, da'ul khatir, yadfa'u sahibahu, ila al-awsaf al-zamima, wal-af'al al-sayyi'a, ô serviteur d'Allah, l'ignorance est une maladie dangereuse qui pousse son adepte à avoir des caractéristiques blâmables ainsi qu'au fait d'accomplir de mauvaises actions. Waqad حصل مع قوم موسى أنهم قتلوا شخصا. Certes, il s'est passé donc avec le peuple de Moussa, ils ont tué quelqu'un. فذهبوا إلى موسى ليدلهم على القاتل. Ils sont donc allés voir Moussa afin que Moussa puisse leur dire qui est le tueur. L'un d'entre nous a tué quelqu'un. Qui est le tueur? Fait quoi les Moussa? Inna Allah ya'murukum an tadhbahu bakara. Moussa leur a dit, certes Allah vous ordonne d'égorger une vache. Qalu atattakhiduna huzwa. Il dit, est-ce que tu nous prends en moquerie? Est-ce que tu te moques de nous? قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. Il a dit, je me réfugie auprès d'Allah contre le fait de faire partie des ignorants. لان السخريه والاستهزاء والهزء من اوصاف الجاهلين. Car le fait de se moquer des gens, le fait donc de les prendre en moquerie, en raillerie, tout cela fait partie des caractères des ignorants. أيها الناس الجهل يجهل المرء ينكر الحق يجهل المرء ينكر الحق ويأمر بالباطل. Oh mes frères, mes sœurs, l'ignorance pousse l'individu à rejeter la vérité et plus que cela encore à ordonner le mal. En plus du fait qu'il va rejeter la vérité, il va ordonner le mal. Par son ignorance, il entend une parole de vérité, ne comprend pas que c'est une parole de vérité. Il va la rejeter par son ignorance et ensuite ordonner le contraire. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète, Kul ghayrallahi ta'murunni a'budu ayyuha al-jahilun. Dis, est-ce que c'est autre que Allah que vous m'ordonnez d'adorer? Oh vous les ignorants. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Certes, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux d'avant toi. Si tu accomplis du polythéisme, alors tes œuvres seront rendues vaines et tu feras partie des perdants. Ils ont donc rejeté la vérité et poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ignorance. Ils le poussaient à accomplir du polythéisme. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète de leur dire cela afin qu'ils comprennent leur ignorance et qu'ils poussent à ce qui est contraire à la voix de tous les prophètes. Ayyuha an-nas, al-jahlu laysa min awsafi khassati ibadir rahman bal al-jahlu min awsafi munkiri ibadir rahman al-mustahzi'ina bihim. Ô serviteur d'Allah, l'ignorance ne fait pas partie des caractères des serviteurs d'Allah les plus rapprochés. Mais au contraire, l'ignorance fait partie des caractéristiques de ceux qui s'opposent aux serviteurs d'Allah et de ceux qui se moquent d'eux. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Wa ibadur rahman illadhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama » Les serviteurs de Ar-Rahman, du tout miséricordieux, sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, se moquent d'eux, les critiquent, alors ils disent salam, ils prononcent des paroles qui sont préservées de tout péché. Al-jahlu ayyuhal ikhwa, yuqi'u sahibahu fi umur, yandamu minha, li kawnihi la ya'rifu ma tarattaba ala fi'li. Ô serviteur d'Allah, l'ignorance va pousser l'individu à accomplir des choses qu'il va regretter par la suite, car il ne connaissait pas les conséquences de ses actes. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aux croyants, « Ya ayyuhalladhina amanu, idha ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, antusibu qawman bijahala, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. » Ô vous qui avez cru, lorsque un fasik, un grand transgresseur, vient à vous avec une information, alors vérifiez-la, afin que vous ne touchiez pas, que vous n'atteigniez pas, c'est-à-dire afin que vous ne fassiez pas injustice à des gens par toute ignorance, et qu'ensuite vous regrettiez ce que vous avez fait. Ayyuhannas al-jahilu, la ya'lamu halahu allati huwa fiha. Oh gens, l'ignorant ne sait même pas la situation dans laquelle il est. Il ne sait même pas qu'il est dans le faux. Il ne sait même pas qu'il est dans une déviance. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Et lorsqu'on leur dit croyez comme les gens ont cru, les gens de la vérité, comme eux ils ont cru, ils disent allons-nous croire comme ceux qui sont vils d'esprit, ceux qui sont faibles d'esprit ont cru? Allah tabaraka wa ta'ala réplique à cela en disant certes, ce sont eux qui sont faibles d'esprit, mais ils ne savent pas. Al-jahilu ya'tamidu ala al-jahilu la ya'tamidu ala al-adilla ولكن معتمده الاماني والظنون. L'ignorant ne se base pas sur des preuves fiables, il ne se base pas sur des preuves concrètes, mais il se base sur des présomptions ainsi donc que des opinions. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne connaissent rien du livre. Ils ne connaissent rien du livre, mais ils ne connaissent que des prétentions et ils suivent des conjectures. فَالْجَهْلُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ مُعْرِضًا عَنِ الْأَدِلَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. Et donc l'ignorance, ô chers frères, fait que l'individu va se détourner du livre d'Allah. Il va le délaisser et s'en détourner. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit أَمِتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَّ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. Ont-ils pris des divinités en dehors d'Allah? Dit, ramenez vos preuves. Certes, ceci, c'est-à-dire ce Coran, certes, ceci est le rappel de ceux qui sont avec moi, ainsi que le rappel de ceux qui étaient avant moi. Et donc, en fait, vous contredisez toute la vérité. Vous contredisez le rappel qui est cité dans ce livre, le rappel qui est cité dans le Coran, qui parle de moi et de ceux qui ont cru en moi, et qui parle de ceux qui étaient avant moi. Vous contredisez tout cela et vous n'avez aucune preuve. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité. Alors, ils s'en détournent. Ils se détournent du livre d'Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، لما بلغ الجهل هذه المنزلة الخطيرة أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يدعو طالبا لزيادة العلم. Oh cher frère, lorsque l'ignorance a atteint ce degré aussi dangereux, Allah تبارك وتعالى a ordonné à son prophète d'invoquer en demandant l'augmentation de la science. Il dit tabaraka wa ta'ala wa qul rabbi zidni ilma et dit ô Seigneur, augmente-moi en science, augmente ma science. ولم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه بطلب زيادة شيء إلا من العلم. Et Allah tabarak wa ta'ala n'a ordonné à son prophète de demander l'augmentation de quoi que ce soit en dehors de la science. وجاءت ابن ماجه عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ibn Majah a cité dans son Sunan, selon Umm Salama, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait après la prière de l'aube, après avoir fait le taslim, ô Allah, je te demande une science profitable, ainsi qu'une bonne subsistance et des œuvres acceptées. une science profitable. Il a fait précéder la science au reste. Car l'homme a besoin de la science pour rechercher une bonne subsistance, une subsistance qui soit licite. Et l'homme a besoin de la science pour accomplir des œuvres qui soient acceptées auprès d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. فطلب العلم الشرعي يحتاج الى جهد وجد. Et donc le fait de rechercher la science légiférée, la science religieuse, cela demande des efforts et du sérieux. والطالب يحتاج الى كتابه يحتاج الى الكتابه كما ورد ذلك عن عمر. Et l'étudiant a besoin d'écrire. Et l'étudiant en sciences religieuses a besoin d'écrire, comme cela a été rapporté de Omar, qui dit « Qayyidul ilma bil kitaba » « Retenez la science par l'écriture. » « Fal ilmu shari ayyuan nas »« Innama ja'ana bil kira'ati wal kitaba » La science religieuse, la révélation, certes nous est parvenue par la lecture et par l'écriture. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre Ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Récite et ton Seigneur le plus noble, celui qui a enseigné par la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Fa ba'dun nas yadhunnuna annahum yastaghnuna 'an al-'ilm ash-shar'i wa 'an hudur ad-durus wa 'an al-qira'ah. Certaines personnes pensent pouvoir se passer de la science légiférée, pense pouvoir se passer des assises de science, des durous, des cours, pense pouvoir se passer de la lecture. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Kalla, innal insana la yatara, un ra'a mustarna. Certes, l'être humain est devenu rebelle, il dépasse ses limites lorsqu'il se sent autosuffisant, lorsqu'il sent qu'il n'en a pas besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ceux qui l'ont suivi et qui transmettent son enseignement. Alors Allah tabaraka wa ta'ala met en garde contre cette caractéristique, le fait de se sentir autosuffisant. Et il nous dit après cela tabaraka wa ta'ala inna ila rabbika ruj'a. Certes c'est vers ton Seigneur que tous retourneront et seront jugés pour leurs actes. Ayyuhan nas, أنعم الله تبارك وتعالى علينا في هذه الجزيرة بدروس في علوم وهي من فرائض الدين. Oh chers frères, Allah تبارك وتعالى nous a accordé comme bienfait sur notre île des cours qui font partie des sciences qui sont obligatoires dans notre religion. Des sciences obligatoires, ce ne sont pas des sciences recommandées. دروس في التوحيد, des cours dans le tawhid, l'unicité d'Allah تبارك وتعالى, avec l'étude du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Wa kadhalika durus fi tamassuk bis-sunnah, ainsi que des cours pour apprendre la fermeté dans le suivi de la sunnah, avec le livre Sahih al-Bukhari Kitab al-i'tisam ala sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Le livre Sahih al-Bukhari, le chapitre de la fermeté sur la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, ces deux sujets dont je vous ai parlé, aux chers frères, sont les deux sujets qui sont liés à l'acceptation des œuvres. El-Ikhlas, le fait d'accorder à Allah un culte exclusif, ainsi qu'El-Mutaba, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc des sciences obligatoires pour tout musulman. Wa kadhalika durus fi tawhid al-asma'i wa sifat. Et aussi nous avons des cours concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, le musulman a besoin de connaître son Seigneur, et cela aussi fait partie du tawhid. Ce ne sont que des cours obligatoires, qu'il est obligatoire à tout musulman de connaître. Wa kadhalika adina durus fil arabiyya wa durus fil quran. Et aussi nous avons des cours dans la langue arabe, des cours dans le Coran, ainsi que d'autres cours. Fashkuru rabbakum ala hadhihi an-ni'am wa la tufawwitannakum. Et donc remerciez votre Seigneur quant à ses bienfaits et ne laissez pas ces bienfaits passer sans que vous puissiez les saisir. Fanas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min ash-shakirin. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi ceux qui remercient et parmi ceux qui sont endurants car l'apprentissage de la science religieuse nécessite beaucoup d'endurance. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ » Ne soyez pas comme ceux qui ont reçu le livre avant vous et qui ont ressenti que la période était longue. Ils n'ont pas tenu à la longue. Donc le croyant doit, lorsqu'il étudie, tenir dans la durée, tenir dans le temps, afin de parvenir à une science profitable. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ودمنا الله تبارك وتعالى de nous enseigner ce que nous ne connaissons pas وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا et nous lui demandons qu'il nous accorde une science profitable ainsi qu'une bonne subsistance et des œuvres acceptées. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة.